FrenchPod.com. Qu'est-ce qu'on est bien là? Détente, relaxation. Après tout le stress que j'ai eu au boulot ces derniers temps, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Et puis le massage qu'on a fait il y a une heure était divin. Oui, ma masseuse était géniale. Elle a bien appuyé là où j'avais mal dans le dos, je ne sens plus aucune douleur. Mon massage à moi était plutôt un massage relaxant. Je me sens vraiment détendu maintenant. Tu sais ce qui nous attend pour la suite? Non, c'est quoi le programme? Au choix, sauna, bain debout, jacuzzi, soins du corps aux huiles essentielles, hammam. Par quoi tu veux commencer? Je ne sais pas. Tu n'aurais pas envie de dormir?